vérifier sa compréhension et l'exactitude d'un fait. 996-2345, c'est bien ça? C'est exact? Vous avez 5 enfants, c'est vrai? C'est vrai que vous avez 5 enfants? C'est bien 10 crayons que tu veux? Veux-tu dire 25 boîtes? C'est ça que vous voulez dire? Si je comprends bien, vous travaillez au centre-ville? Si j'ai bien compris, je continue tout droit jusqu'à Laurier?